yeux portent peur, tu ne vois pas. Sur le cœur, on te flirte, tu ne flores pas. Des erreurs, tu cumules, concernent pas. Coup de mot de terreur et ça va pas. Président, si bien l'heure ne t'en va pas. De l'amour, on te donne, toi tu donnes pas. Des discours en échange, on n'en veut pas. Salut, je n'entends pas. De la crème, des extrêmes, on n'en veut pas. Des Le Pen à la chaîne, on enchaîne soit. De la haine, je te dis, je n'en sème pas. Et toujours de problèmes, ça m'énerve quoi. Les mots du peuple ruissellent. Écoute bien les voix. Celles qui te disent charnel. Celles qui t'aiment vraiment. Lève les yeux au ciel. Tes enfants te rappellent. Couleur au sens officiel. De l'amour on te donne, toi tu donnes pas. Des discours en échange, on n'en veut pas. À ton tour, toi t'es sourd, c'est du chinois. Ambigu, tes saluts, je n'entends pas. De la crème, des extrêmes, on n'en veut pas. Des Le Pen à la chaîne, on enchaîne soit. De la haine, je te dis, je n'en sème pas. Et toujours de problèmes, ça m'énerve quoi. Les mots du